Qu'est-ce t'as t'es déçu, c'est la scroll qui décide. Et décidément à chaque son je les décide. Chez toi je suis en douce et je me fais ta DS. Qu'est-ce t'as t'es déçu aujourd'hui pour qu'appelle. Qu'est-ce t'as t'es déçu, la scroll sort des dessous. Je te dis depuis le début j'étais seul et sans sous. Comme seul dans mes soucis, pas de poteau, pas de sauce. La personne crache dans ma sauce, pancani n'a pas de suisse. Vendero c'est la sauce, y'a les bleus gros souris. Je suis chargé, je suis serré dans la ville, je suis serein. Partout moi j'ai servi, chez toi on m'a serré. La serrure dans ma poche, j'étais souvent sous piche. La vie me tend pas la perche, la braque avec un Porsche. Qu'est-ce t'as t'es déçu, pancani tient le dossard. Elle ressort dans le désert, serré, elle pas hasard, poteau, rien n'est bizarre, je fous le bazar, c'est là-bas, c'est comme ça, j'abuse pas, je baisserai pas mon caleçon, seul mon genre, je calcine, fil de gauche, j'ai tartine, tu tuto de la berline, remballe-moi tes belles ou j'ai de la pure de Bali, je prends l'avion pour le boulot. Qu'est-ce t'as t'es déçu, c'est la squale, le boulon, ton pédo et balouf, t'auras pas un ballon, Bendejo se ballonne, filme qu'avec des balais, je te dis c'est pas pareil, y'a qui au parler, je suis tout seul pour parler, je reviens devant, c'est Palerme. Qu'est-ce t'as t'es déçu, une balle, un décès, c'est Panka qui décide, zéro déception, la suite c'est le dessert, mais tes potes m'ont déçu. Qu'est-ce t'as t'es déçu, c'est la squale qui décide, et décidément. A chaque son je les décide. Chez toi je suis en douce et je me fais ta DS. Qu'est-ce que t'es déçu aujourd'hui point capes. Il est loin de la péquette, la cardave du palais. J'ai toujours du pollen, je fous toujours des pilules. La banane c'est pas l'air, bienvenue dans mon polar. Toute la nuit ça pétarde, fait tirer son pédo. Qu'est-ce que t'es déçu, c'est la squad qui décide. Et décidément à chaque son je les décide. Chez toi je suis en douce et je me fais ta DS. Qu'est-ce que t'es déçu aujourd'hui point capes. Il est loin de la péquette, la cardave du palais. J'ai toujours du pollen, je fous toujours des pilules. La banane c'est pas l'air, bienvenue dans mon polar. Toute la nuit ça pétarde, fait tirer son pédo. Ouais, tes potes m'ont déçu, gros.